Le haut sommeil fut rompu dans ma tête par un éclat de foudre et je repris mes sens comme un homme qu'on réveille de force. Je tournais autour de moi, l'œil reposé, debout, et je regardais fixement pour connaître le lieu où j'étais transporté. En vérité, je me trouvais sur le rebord de la vallée d'abîmes douloureuses qui accueille un fracas de plaintes infinies. Elle était noire, profonde et embrumée. En fixant mon regard jusqu'au fond, je ne pouvais rien y discerner. Descendons à présent dans le monde aveugle, commença le poète en pâlissant. Je serai le premier, toi le second. Et moi qui avais remarqué sa pâleur, je dis: Comment viendrai-je si tu crains, toi qui toujours réconfortes mes doutes? Et lui: C'est la souffrance des ombres qui sont ici, qui peint sur mon visage cette pitié que tu prends pour la peur. Allons, le long chemin nous pousse. C'est ainsi qu'il entra et qu'il me fit entrer dans le premier cercle qui entoure l'abîme. Et là, à ce que j'entendis, il n'était pas de pleurs, seulement des soupirs qui faisaient trembler l'air éternel. Cela venait de douleurs sans torture subies par ces foules qui étaient grandes d'enfants, de femmes et d'hommes. Mon bon maître me dit: Tu ne demandes pas quels sont les esprits que tu vois? Or, je veux que tu saches, avant d'aller plus loin, qu'ils furent sans péché, et s'ils ont des mérites, cela ne suffit pas sans le baptême, qui est le seuil de la foi que tu as. Et s'ils vécurent avant la loi chrétienne, ils n'adorèrent pas Dieu comme il convient. Je suis moi-même un de ceux-là. Pour un tel manque, et non pour d'autres crimes, nous sommes perdus. Et notre unique peine est que sans espoir, nous vivons en désir. Douleur me prit au cœur lorsque je l'entendis, car je compris que de très grands étaient suspendus dans ces limbes. Dis-moi, mon maître, mon seigneur, commençai-je voulant être assuré de cette foi qui détruit toute erreur. Quelqu'un est-il jamais sorti d'ici par son mérite ou par autrui, pour être élu? Et lui, qui entendit mes paroles couvertes, me répondit: J'étais nouveau dans cet état quand je vis venir un puissant, qui couronnait un signe de victoire. Il tira l'ombre de son premier parent, d'Abel, son fils, et de Noé, et de Moïse, légiste obéissant, Abraham, patriarche, et David roi, Israël avec son père et ses enfants, et avec Rachel, pour laquelle il fit tant, et beaucoup d'autres qu'il emmena au ciel. Et je veux que tu saches qu'avant cela, les esprits humains n'étaient pas sauvés. Nous ne cessions d'avancer tandis qu'il parlait, et nous traversions la forêt pendant ce temps, la forêt, dis-je, épaisse d'ombre. Nous avions fait peu de chemin encore au-delà du sommeil lorsque je vis un feu qui vainquait l'hémisphère de ténèbres. Nous étions encore assez loin de là, mais déjà je pouvais discerner en partie que ces gens honorables habitaient ce lieu. Ô toi qui honores la science et l'art, quels sont ces gens qui ont ici un tel honneur que leur sort est séparé des autres? Et lui: Leur renommée qui résonne là-haut dans ta vie acquiert aux cieux la grâce qui les sépare. Cependant, j'entendis une voix: Honorez le très haut poète. Son ombre est revenue qui nous avait quittés. Quand la voix se fut tue et calmée, je vis venir à nous quatre grandes figures dont le visage n'était ni gai ni triste. Mon bon maître me dit: Regarde, celui qui a une épée dans sa main, qui vient avant les autres comme un roi, c'est Homère, poète souverain. Après lui vient Horace, satiriste. Ovide est le troisième et Lucain le dernier. Puisque chacun concorde avec moi dans ce nom, que la voix seule a prononcé, ils me font honneur et ils font bien. Ainsi je vis se rassembler la belle école de ce seigneur au très haut champ qui vole comme un aigle au-dessus des autres. Quand ils eurent conversé un peu ensemble, ils se tournèrent vers moi en signe de salut. Et mon maître sourit de cet accueil. Mais ils me firent plus d'honneur encore, car ils me mirent dans leur compagnie, et je fus le sixième parmi ces sages. Nous allâmes ainsi jusqu'à la lumière, en causant des choses qu'il est beau de taire. Comme il était beau d'en parler alors. Nous parvîmes au pied d'un noble château, cette fois entouré de hauts murs, et défendu par une belle rivière. Nous la passâmes comme terre dure, et par cette porte j'entrai avec ces sages, arrivant à un pré à la fraîche verdure. Des gens s'y trouvaient, aux yeux lents et graves, avec un air de grande autorité. Ils parlaient peu et d'une voix suave. Nous nous mîmes ainsi sur l'un des côtés, et un lieu ouvert, lumineux et haut, si bien que de là nous pouvions les voir tous. Et là, en face, sur l'émail vert, nous furent montrés les esprits magnanimes dont la vue m'exalte en moi-même. Je vis Électre avec ses compagnons, parmi lesquels je reconnus Hector, aîné, César armé au regard de Griffon. Je vis Camille et la Penthésilée. Plus loin, je vis le roi Latinus, assis avec sa fille Lavinia. Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin, Lucrèce, Julia, Marcia et Cornélia. Et seul à l'écart, je vis Saladin. Quand je levai un peu plus les yeux, je vis naître de ceux qui savent, assis parmi la famille philosophique, tous le regardent et tous lui font honneur. Là, je vis d'abord Socrate et Platon, qui sont devant les autres, plus près de lui, Démocrite, qui soumet le monde au hasard, Diogène, Anaxagore et Thalès, Empédocle, Héraclite et Zénon. Et je vis celui qui décrit les qualités des plantes, je veux dire Dioscoride, et puis je vis Orphée, Tullius, Hélénus et Sénèque moral, Euclide géomètre et Ptolémée, Hippocrate, Avicenne et Galien, Averroès, qui fait le grand commentaire. Je ne peux les nommer tous pleinement, car mon long poème me pousse tant que mon dire souvent doit sauter l'effet. La compagnie des six diminua jusqu'à deux, mon sage guide me mène par d'autres voies, hors du calme, dans l'air qui tremble, et je viens en un lieu où la lumière n'est plus.